est entré dans le game pour le braquer, le dévaliser. Nous c'est Marseille, City 13 organisé. N'essaie pas de nous test, rivaliser. On est des ovnis, des machines déshumanisées. Tu nous connais, tu peux nous localiser sur la carte. Un 3 sur la plaque, un doigt sur la gâchette. T'as reconnu la cam au double F sur la plaquette. Or et platine des disques jusque sur les claquettes. Plus rien ne m'arrête, je suis allé trop loin, je peux plus reculer. J'ai cette voix dans la tête qui me dit de revenir les fumer. Conçu pour tuer, pour perdurer. Rien qu'à la vue du track listing, tu saignes du nez. Avec moi y'a que des hefrites, que la race à que j'ai frite. Magique, je tire sur le joint, je suis sur orbite. J'm'agite, on est sur le terrain, c'est pas un movie. Mon vieil, y'a cassage de rein, la frappe à rouler. Oh oui, tu portes l'œil, je raye la jambe de mon Range Rover. J'ai deux trois contacts que j'ai nommé les arroseurs. Ils n'ont pas le temps de rapper, donc je le fais pour eux. Viens toucher la salade en cadeau, on te donne un grinder. Tu peux finir dans la malle, malle. Parabellum, on est dans la zone, on met du stone, on fait péter les barrages. Bibi, maman, t'arrache, te compte tes morts. Quartier Nord, on est en Inde, y'a plus de major. C'est là, Funky Family, je te le dis d'avance. Ouais, Melik, j'ai des amis flics, pas d'amis balance. On avance, remballe tes avances, bientôt je quitte la France. Pas confiance, tes guetteurs de merde ont crié l'ambulance. J'ai des potos qui tuent bien plus que le Corona. Normal, ils ont leur place dans Gomorra. J'ai monté les marches de Cannes, j'ai vendu de la canne. On a gagné la guerre, après on a gagné la canne. Des aides, une calache et une bécane. Je fais rentrer des sous, mais gros, je suis bien dans la mécane. Vom, vom, t'inquiète, on met les gaz. Cagoulé sous le casque, tout qui part, nous on l'écrase. Gosse, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, je vous dirai rien. T'es tendu, un malentendu, t'en rallume un. J'ai grandi, t'as senti que j'ai galéré. T'as compris, j'ai compris, fais pas l'erreur. On dira même en interview. Fasciné par la classe ouvrière, la vie des voleurs et c'est des voyous. La trahison, ça laisse un sale goût. Ça fait gamberger comme dit la légende Louch. J'suis marseillais, pas français, on est très organisé. On peut te niquer ta mère et juste après on va sympathiser. On a les dents, les crocs, t'inquiète, ils sont aiguisés. Sors les outils en 4 régions, on sera déguisés. Plaqué au nom de Viral, mandat box et des guitares. La tête est dans les étoiles, j'ai halat prototypa. On veut tenir la city, influent tu connais. J'parle pas à toi, j'parle à lui qui tient ta tétine. On va manger l'autoroute, une ovoise, une porteuse. Aéroport, Marignane, la mule arrive de Juarez. Un carré des bouteilles, que des putes à vodka. Alibi, bétonné, j'vais venir sans l'avocat. C'est la S, enculé, c'est tout le 13. Enculé, elle a un gros cul, un tout petit cul, il s'est abusé. J'en ai assez sous les roues pour trouver la Subaru. Mais colle le doigt au jaloux, aéroport, Macao. J'ai la caution au cas où, j'ai la potion au cas où. J'ai le 45 au cas où, on tire, on met pas des KO, hein. Le fric c'est banda, j'espère que t'as un dent. Moi quand j'arrive ça fait peur comme le bruit du pam-pam. En cas de vrai pépin, CZ ou peu bon. J'peux te dire que ça t'éteint même si tu caches vers pépin. J'savais pas ce qui allait m'arriver, j'suis pas visionnaire. J'ai galéré sa mère avant de finir millionnaire. J'ai vu les jeunes braqués comme butés, voler des pionnaires. J'ai vu le petit rentrer, j'ai vu sa daronne en colère. J'traîne avec ceux que j'aime et ceux qui étaient là au collège. Ceux qui sont là pour ton buzz, ton argent c'est pas tes collègues. Nique les couleurs et les traîtres. Si demain j'arrête, j'aurai pas de chômage, j'aurai pas de retraite. Mais je suis très organisé, comme la bande à Pablo. J'fais attention qui est qui, parce que la vie c'est pas bleu. Équipe de Robocop, pectoraux, comme des minotaures. Vendée Aston, ça fait M la part, on la tort. Raya les ports, Warrior sur le vieux port. Tu parles à tort, salope, on tête la tête à coup de marteau de Thor. Tout est mort, c'est des cités d'or, un bande organisé, un droit localisé. Inconnu, tu veux rivaliser, doré platinisé. Cramé que des têtes carbonisées. Chargé, rabaissé, autoroute, RS4 motorisé. Un droit, c'est Warzone. Héros des potes à Malécon, des billets jaunes, les mamans posées sur des silicones. Vendant la lème, ça fournit ça là du gramme à la tonne. On va sortir les guitares, ça va danser les guettones. Marseille c'est chaud, Miyama. Okay. C'est violent, je suis pisté par les miradors. Yeah. Yeah. On fait des sous, Miyama. Okay. Marseille c'est chaud, Miyama. T'as sur la gare, y'a pas de clé. J'vends pas des cas, il faut des valises de Khalis. La grosse ville à Cari. Là, c'en est à risque, c'est pas ce qui t'arrive. Violent comme une équipe de Marseille à Paris. Hey. Cette affiche, c'est un classico. Que des bigots, que des calouches et des corsicos. Yeah. Toi tu es un toxico. J'fais le million, j'pète le veuf clico. Ça représente les DZ, c'est violent comme des BZ. Au volant que des baisers, zigzag en XADV. La violence dans le débit, trop vrai depuis le début. Si tu croises un Marseillais, fais gaffe à ta CB. Si on brûle, ça sort le chrome. C'est un 3, c'est la zone, c'est les hommes. Que des Marseillais dans l'album. On vient braquer le game, on va s'emparer du trône. Si on brûle, ça sort le chrome. C'est un 3, c'est la zone, c'est les hommes. Que des Marseillais dans l'album, on vient braquer le game, on va s'emparer du trône. Très énervé, très organisé,